Chapitre 11. Les conseils de Margiste. Berthe s'est retirée en ses appartements. Elle est là, toute seule, assez mal rassurée, toute pleine de troubles et de frissonnements, tournant au moindre bruit dont elle est effleurée. Son profil gracieux vers la porte d'entrée, en des gestes d'effroi, pudiques et charmants. On entre, c'est Margiste. Elle approche discrète, à pas mystérieux qu'on n'entend point venir. Elle dit: trois abbés sont en train de bénir le lit tendre et moelleux que l'amour vous apprête. Quittez ce beau voile et cette georgerette. Madame, votre mère a dû vous prévenir. Je songe en vous voyant comme je fus heureuse. Tel soir, au bras subtil de feu mon cher époux. Il était fort, il était tendre, il était doux. Quand j'y songe, un grand vide dans mon âme se creuse. Mais sachez, en trois mots, prenez bien garde à vous. Le roi Pépin le Bref a la main douloureuse. Le soin que j'ai de vous m'a su faire informer, discrètement, de la façon qu'il a d'aimer. Je tiens tous ces détails de son premier concierge. Vous voyez, j'en suis pâle encore comme un cierge. C'est un homme effrayant, surtout pour une vierge. Un mari dangereux qu'il faudrait réformer. Berthe s'écrie en pleurs. Retournons chez ma mère. À quoi bon, dit Margiste, et vous n'y pensez pas? On saurait nous rejoindre au bout de quatre pas. Croyez-moi, cher enfant, toute fuite est chimère. Mais dû ma pauvre Alix y trouver le trépas. J'entends que cette nuit ne vous soit point amère. Le ciel même a voulu, de la tête aux talons, qu'elle vous ressemblât de visage et d'allure, hormis les pieds qu'elle a peut-être un peu moins longs. Elle a même yeux bleus et même cheveux blonds. Moi-même je m'y trompe, et si j'osais conclure, vous êtes le manteau dont elle est la doublure. S'il vous plaisait, madame, elle pourrait, ce soir, d'un cœur triste et soumis, tenter pour vous l'épreuve. C'est elle quand son lit Pépin ferait asseoir. Aux choses de l'amour, comme vous, elle est neuve. Et quand elle devrait, sans anneau, rester veuve, en tel péril, c'est tout gagné qu'un peu sursoir. Elle dit, et déjà Berthe la suit, navrée. Même aux soupçons du mal, son cœur naïf est clos, car toujours l'innocence ignore les complots. Mais Alix et Pépin vont faire leur entrée, et comme la pudeur nous fut toujours sacrée, nous allons supprimer trois ou quatre tableaux.